2002, Mike Mpeto, Cardi White, dans les dance halls, c'est la merde. Mat le bouc, électrocute comme la foudre. Je t'en mets plein les yeux, ma zig, c'est de la poudre. Pour les filles en manque de plaisir, je viens recoudre les déchireurs de cœur, toujours à la cool, les ont dit vous. On veut danser, j'ai pris ma voix, un micro, j'ai fait un sound check à faire placer. Bacardi, de première classe, un choix de qualité supérieure, ça te va dans les charts, de place. Cette nouvelle ère de gentleman, un B sur toutes les poitrines et sur mes jantes même. Un classique, quand je débarque y'a du changement. Les mecs veulent me ressembler, refont leur plastique. Je suis une machine de guerre, mets-moi une platine, je gère. J'accélère, j'ai l'art et la manière. Le style, je suis né avec, j'ai causé des gars, je peux pas m'en défaire. Regarde ce que je fais. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. J'suis sous les spots. Quand y'a un problème, j'assume sport, reste sobre. Je veux créer un empire avec mes potes. Qu'on peut pas contre mes assos de malfaiteurs. Qui carbure à l'essence vie. Ça bloque, car sont des plaques qui changent le système. Et veulent donner la force aux mecs des blocs. Génération Young Guns, on vient de faire danser, chanter, te balancer. Entre les flashs et les lights, oublie pas les femmes mais les fights. Ceux qui font zouk et les beurs, valser les blacks, les smurfs et les whites. Sur la tête, sur les pieds, sur le côté, dans la main j'ai le cigare et je pète le champagne. Peu importe les regards, les sourires, les égards, si je dois repartir avec ta compagne. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. Quand je rappe ces mélodies de ta meuf, tu l'idole. Hey, match pas comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Fais mon truc dosé, posé, classe aisée. Au-dessus de la moyenne dans les stats. J'éclate, kick sur un beat dansant. J'ai une histoire, un parcours. Ton crâne sur la cadence, non? Mon rap, c'est un truc de feeling. Flow, frein, charisme. Damn, d'où il sort ce gosse? De Yaoundé, place des fêtes. J'ai l'Afrique et du monde qui me soutient. Hey, c'est pas de ma faute. C'est trop gros, trop flow, trop chaud. C'est Pito Mike et MPO. 2002, pour les ghettos de France. Du 7-8 au 1-9. Mike Mpeto, Bacardi White, dans les denso, c'est la merde. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les denso. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto. Faut que ça pète la bouteille dans les denso. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, donne le tempo. Pour le ghetto, faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. Entre les spots, les verts, les ladies, les frères, Bacardi, MPO, dans le tempo. Mais qu'on donne ça pour le ghetto, faut que ça pète la bouteille dans les dance halls. Dans les dance halls, toutes les mains en l'air.